Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5831. On va parler... Tombe, les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouffrance. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block, 1670 boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's, 418-276-8025. On a enregistré la revue de l'année hier des Alouettes. Donc, ce que vous allez entendre, évidemment, ça a été fait avant la nomination de ce matin. Mais là, on va se mettre tout à fait à jour à matin parce que la nouvelle vient juste de tomber. On parle avec Pascal Masson, Mike Sherman et le nouvel entraîneur-chef des Alouettes de Montréal. Sherman, c'est pas tu regardes son curriculum vitae, c'est pas mauvais. Sauf que il vient d'un autre ligue. C'est quasiment un autre sport. On en parle avec Pascal Masson. Salut, Pascal. Salut Dan. Pascal, t'en as parlé hier dans la revue de l'année, malheureusement elle n'est pas en ligne encore, mais Charles-André Marchand a parlé au 91.9 ce matin. C'est à peu près le 7e ou 8e personne qui a le processus. Donc, comment tu vois ça, l'arrivée de Mike Sherman? Moi, même si c'est un gros nom du football américain, c'est quand même un nom que tu regardes sa fiche avec les Packers. Fiche en carrière de 56 victoires, 39 défaites comme instructeur-chef dans la NFL. 57-39. Diriger les Packers de 2000 à 2005. C'est bien beau tout ça. Mais reste une chose. C'est qu'il ne connaît rien au football canadien. Il y a plein de rudiments. Et historiquement parlant, les entraîneurs qui arrivent du football américain regardent le football canadien de haut. Écoute, c'est sûr que je suis mitigé là dans ce niveau de cette annonce-là aujourd'hui. Bon, tu l'as bien dit, Mike Sherman, c'est un gars avec une réputation, un statut. Je vois ça comme une bonne nouvelle dans le sens que on a quelqu'un qui a beaucoup d'expérience qui va venir appuyer Kevis Reed. Donc, on n'aura pas un jeu ou sur laquelle Kevis Reed là pour. C'est une autre histoire. Pardon? Appuyer ou bien être le yes man de Kevis Reed? Ben, c'est ça. Ça va être difficile. Je pense pas que Mike Sherman est du genre d'être un yes man. Tu sais, si on avait eu un jeune entraîneur qui veut faire ses preuves, là, t'as pas le choix d'être le yes man de ton directeur général. Mike Sherman a vécu la NFL, a vécu la NCAA, donc non. Ça va être intéressant de voir la chimie entre lui et Kevis Reed. Je pense que ça prenait un entraîneur qui a de l'expérience pour ne pas se faire apprendre un peu comment la gestion d'une équipe se fait par Kevis Reed, hein, parce qu'on a vu que c'était pas sa force à Kevis Reed. De un. De deux, par contre, mon côté plus négatif, là, on a un coach qui est parti de NFL à universitaire à high school et qui s'amène comme entraîneur-chef au niveau de la Ligue canadienne. Bon, la Ligue canadienne, je vous rappelle que c'est une ligue professionnelle, OK? C'est pas une ligue amateur, là. Et avec pas les mêmes règlements, c'est ça qui est le problème. Puis c'est ça que les entraîneurs anglophones, les entraîneurs américains, à part Trestman, on va parler de Charlie Taft, on va parler de Bob Price. C'est vrai qu'ils ont connu un certain succès. Taft a gagné même la Coupe Grey ou a participé à la Coupe Grey. Sauf qu'une chose est sûre, Pascal, c'est que c'était des jeunes entraîneurs américains. C'est pas le même concept. Lui a été dans la grosse ligue. Il va pas mal avec ses gros sabots. Ben, ça va être intéressant de voir, parce que je connais pas l'individu, ok? Donc, okay. je peux pas le condamner avant même qu'il ait essayé de faire ses preuves. Tout dépendant de comment il va aborder le tout. Je veux dire, des histoires terribles, on en a vu plusieurs. Mm-hmm. Des entraîneurs qui arrivent dans la Ligue canadienne un peu en vacances, là, si ouais. on veut, là, puis que, mais ça a rarement été, par contre, des hauts dirigeants de la NFL qu'on a vu. C'était souvent des entraîneurs plus au niveau de la Ligue universitaire, de la NCAA, OK? Ouais. Ou simplement leur... il y a une grosse différence, OK? Un entraîneur de la NCAA côtoie des jeunes adultes, des jeunes hommes qui deviennent des adultes. Donc, ce qui est important, c'est la discipline, la présence de pouvoir, un peu cet aspect-là. Lorsqu'on parle de la NFL et de la CFL, c'est une gestion de professionnels, des individus qui ont un métier. Donc, c'est pas de la même façon, c'est pas en criant après les joueurs, c'est pas en faisant... C'est là que je pense que Mike Sherman amène une différence. Quand Trestman est arrivé à Montréal, puis tu sais, ça c'est un success story, là, c'est un individu qui a connu puis qui connaît encore du succès au niveau de la Ligue canadienne, est arrivé avec un professionnalisme envers des adultes. Donc ça, c'est différent comment qu'on aborde une équipe, et j'espère que c'est de la façon que Sherman va l'amener. C'est juste que là, son expérience professionnelle là, avec les Packers, avec les Dolphins, est plus loin derrière. Là. Ben oui. Donc c'est juste là que j'ai hâte de voir. L'athlète professionnel a changé depuis 2005. Quand Sherman était en poste avec les Packers de 2000 à 2005, de 12 ans, là. Tu sais comment que, Pascal, t'en fréquentes des jeunes actuellement à ton école, là. Le jeune ou l'athlète professionnel de 2005, je suis pas sûr que c'est le même athlète que... C'est pas le même athlète, mais la gestion, ultimement, est quand même la même, mais tu sais, c'est ça va être de voir comment il va être capable de se remettre dans le bain, là. Il va falloir qu'il se remette rapidement dans ce bain-là, et... Ça va être intéressant. Bon, là, est-ce que ça... Bon, lui, il a une expérience de coordonnateur offensif. Est-ce qu'il va être le coordonnateur offensif? Est-ce qu'il va se nommer un coordonnateur offensif? Ça, je pense pas que ça a été dit encore, là, selon moi. Là, j'ai pas eu cette nouvelle-là, du moins. Là. Ça va être intéressant. Ça aussi, là, de comment il va s'entourer. Là, ça va être qui ses adjoints. J'espère... Il faut pas qu'il fasse la gaffe de s'entourer de sa gang d'Américains à lui. Il faut qu'il se prenne une expérience CFL. J'aimerais voir un entraîneur adjoint avec une expérience de Ligue canadienne s'ajouter à son groupe d'entraîneur. Un genre de Paul La Police. Ouais, mais tu sais, ça pourrait être... Tu sais, qui est entraîneur-chef, qui connaît le football canadien. C'est ça. Ça pourrait être... Intéressant. Bon. Sauf que, entre toi et moi... Tu me donnes l'opportunité, tu me donnes l'option entre Mike Sherman ou Marcel Bellefeuille. Je prends Mike Sherman. Je risque. Oui. J'aime mieux risquer que de retomber dans des vieilles sauces. Okay. Les Alouettes, là, c'était pas, selon moi, là, un entraîneur qui a semi-fait ses preuves pendant des années. C'était pas là qu'on était, là. On a essayé avec Jacques Chapdelaine de nommer un entraîneur d'expérience CFL qui a déjà fait des choses ici et là. T'sais, c'était pas ça, là. Là, on risque. Tu sais, je suis pas prêt à dire que je mets ma maison, que ça va marcher, là. Mais si tu risques pas, on aurait eu le même genre de résultat, je suis convaincu. Ben là, c'est parce que le problème, c'est que si on se retrouve avec Sherman, puis c'est ça qui est le plus triste dans l'histoire, c'est pas que Mike Sherman est arrivé, là. C'est que son 8, je pense, à s'être retiré du processus, c'est beaucoup plus ça qui est dramatique que l'arrivée de Mike Sherman, là. Hey, ça en dit long. Ça en dit long, parce que quand t'es un entraîneur-chef, toi, t'es un coordonnateur, tu veux progresser dans ta carrière, t'es un jeune, t'aimes mieux rester comme coordonnateur avec ton équipe c'est une catastrophe, cette histoire-là. Non. Ça, là, je suis convaincu, Dan, ce que tu dis, je suis 100% d'accord avec toi. On vient pas d'avoir notre premier choix, on vient pas d'avoir notre deuxième, on vient pas d'avoir notre troisième, on vient d'avoir, tu sais, puis Mike Sherman s'est sorti un peu, tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, je n'avais pas entendu parler dans les dernières semaines. C'est Piasson qui l'a sorti ce matin, donc... Mais ils ont sorti ça ce matin, mais tu sais, est-ce que ça avait coulé? Moi, j'avais pas eu cette information-là avant, donc de où que ça... Si on met juste ton collègue à RDS est quand même très très au courant de très bien briefé là, disons, mais juste, il l'a même pas vu lire, je suis certain là, parce que ça a sorti, c'est TSN, ça. C'est son nom, c'est TSN qui a sorti son nom en premier ce matin. Quel est le premier défi de Mike Sherman? Ben de former son équipe d'entraîneurs. Ok, oui. Les meilleurs entraîneurs-chefs, là, ouais, c'est ceux qui n'auront pas peur de s'entourer des meilleurs. Mm. Si, comme entraîneur-chef, tu as peur que ton adjoint vole ta job, exemple, là, ben tu vas juste rester avec des entraîneurs qui sont pas... Regarde à Calgary, encore une fois. Mm. Tu sais, la force de cette équipe-là depuis toujours, c'est qu'on a... On a des entraîneurs qu'on veut venir chercher comme entraîneur-chef à chaque année. Mm. Puis des entraîneurs qui deviennent des entraîneurs-chefs. Dickinson, c'était un coordinateur offensif à Calgary. Puis il est resté là jusqu'à temps que sa chance arrive. Donc, ce qu'il faut, c'est que Mike Sherman s'entoure de personnes qui vont être en mesure de le faire bien paraître et qui n'aient pas peur de mettre des entraîneurs de qualité. Mm. Moi, ce que j'aimerais, par contre, puis c'est pas lui qui va être en mesure de faire ça, mais ce que j'aimerais, c'est de voir un entraîneur canadien avoir un poste important. Un peu comme on a vu Noah Thorpe faire. Ben, il y a eu Greg Marshall, il y a quelques années, qui est arrivé au Canada. Ben, ouais, mais pas comme entraîneur-chef, là. Je parle comme coordonnateur, tu sais. OK. Fait que ça serait intéressant. Est-ce qu'un gars comme André Bolduc pourrait progresser? Pardon? Est-ce qu'un gars comme André Bolduc pourrait progresser, même devenir quelque part? Et André, ça fait quand même plusieurs années là, qu'André... Il rôde autour des Alouettes. Est-ce qu'il pourrait même passer peut-être... Je pense qu'il était entraîneur des porteurs là, de ballon. Il pourrait-tu passer même... Il porteur à receveur. Oui, pourrais-tu même porter comme... Parce que là, il y a l'expérience. Même comme coordonnateur à l'attaque. C'est-tu une possibilité? Ben, écoute, je ne sais pas si c'est un intérêt de sa part non plus. Là, ouais. Ça prend également l'intérêt des deux parties. Mais André Bolduc qui est là depuis plusieurs années... À quelque part, s'il a laissé une bonne carte de visite, c'était à Cavis Street de bien le vendre auprès de Sherman. Mm. Il pourrait justement, peut-être, avec l'expérience que Sherman a, peut-être ça pourrait être une belle combinaison, en effet. Mm. Est-ce qu'ils vont vouloir remettre Anthony Calvillo là-dedans? C'est pas... Ben, c'est là, ça, je vais t'en parler, je te mets Calvillo aussi. C'est une patate chaude pour l'organisation. Hein? Parce que Calvillo, c'est l'image des Alouettes, c'est l'image de l'équipe, sauf qu'à quelque part, il a prouvé par le passé que comme coordonnateur d'attaque, ça allait trop vite. On l'a rétrogradé. Dans le fond, Calvillo, c'est une image. Là. Est-ce que ça serait pas mieux comme genre de président? Ben là, encore une fois, c'est pas la même carrière pantoute pour la personne. Donc lui, être président, c'est pas les mêmes... Les mêmes attributs non plus professionnels. Un genre d'ambassadeur. Ouais, c'est ça. Ben, si lui va être entraîneur de carrière, par contre, il va falloir qu'il prenne ce que les Alouettes lui offrent ou sinon qu'il aille visiter ailleurs là, un peu. C'est-tu quoi? Moi, je ne serais pas surpris de voir un Carvillo partir à Toronto avec Mark Trestman pour être son adjoint, là, ça pourrait être une belle position pour lui, en tout cas, du moins. Là. Peut-être pas pour nous, là, mais... c'est ça, mais c'est son défi. Puis là, le défi, c'est pas le défi de Sherman, ça, c'est plus le défi de Kevin Street, là, mais c'est de mettre... Tu sais, là, on a beau nommer n'importe quel entraîneur, si on lui donne pas les outils pour travailler, ça marchera pas. Même si Sherman réussit à mettre la meilleure équipe d'entraîneurs possible avec lui... Si on a encore Durant puis Ernest Jackson comme receveur numéro un, puis on a une ligne à l'attaque, tu sais, c'est tout ça ensemble, là. Ah. Puis ça, ben, ça part par le DG. Ça part par le président, ça part par le propriétaire en partant. Ben oui, ça part, excuse-moi, ça part par le propriétaire, exactement, qui a mis un DG en place, qui est supposé d'être son, son expertise numéro un dans ce genre de situation-là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, Pascal, on va se laisser, c'est d'une tristesse épouvantable. Moi, je te l'ai dit, je te le répète, ça fait à peu près 100 fois que je te le dis. Maudit que ça ressemble aux, à l'époque des Alouettes qui a mené à la dissolution du club. Ouais, mais écoute. C'est l'incompétence. C'était aussi incompétent que ça dans le temps. C'est ça. Tu veux que je te dise? Je peux pas être pas vraiment être en désaccord avec toi là-dessus. C'est en ce moment, ça s'annonce pas bien. Je vais rester comme je l'ai été l'année passée, à pareille date, le plus positif possible en me disant qu'il y a peut-être de quoi qui va arriver, puis qu'on vient peut-être de mettre la main sur un entraîneur qui va être notre prochain Mark Trestman. Mais encore une fois, je vais garder ma maison pour moi, puis je ne betterai pas là-dessus. Non, mais c'est toujours le fun. Moi, j'aime ça pareil. On voit des anciens de la NFL venir se planter dans les Canadiens. C'est toujours... j'ai toujours aimé ça, moi. Tu sais, quelque part, parce que là, Sherman, ça va faire ESPN. Donc, ça va être la première page d'ESPN. Ça va être sur le site déjà. Fait que déjà, là, en partant, c'est une belle publicité pour la NFL. Pour la SCF, par contre. Mais c'est toujours le fun d'y voir se planter. En tout cas, on va bien voir. OK, Pascal, on s'en reparle après les fêtes. Ça fait, merci d'avoir. Collaborateur Pascal, merci.